Donc la louange étant Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation au degré le plus complet et le plus parfait soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din, qui signifie: Celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc la science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans l'obéissance, c'est-à-dire dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Donc nous allons poursuivre ce que nous avons commencé la fois précédente, à savoir donc sur le début de la création. Donc nous avions vu que la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Donc les preuves sont dans le Coran et dans le Hadith. Donc la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Donc Dieu est le créateur de toutes choses, qui fait pa passer toutes choses du néant à l'existence. Donc Dieu a fait passer l'eau du néant à l'existence. Et à partir de l'eau, il a créé les autres créatures. Donc la première des créatures, c'est l'eau. Ensuite, le trône. Ensuite, le al-qalam al-a'la, le calame élevé. Ensuite, la table préservée. Donc on a expliqué le hadith où il est cité al-qalam al-a'la, et on a montré que ce hadith ne veut pas dire que le calame est la première des créatures, mais en fait c'est bien l'eau et le trône qui sont les premières créatures. Donc le prophète a dit: Inna Allah lam yakhluq shay'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Donc il signifie: certes, Allah n'a pas créé quelque chose de ce qu'il a créé avant l'eau. Donc on a détaillé sur l'eau, ensuite le trône, qui est le plus grand corps que Dieu a créé, et qui est le toit du paradis. Et bien sûr, Allah n'a pas besoin de ses créatures, Dieu n'a besoin de rien. Donc Dieu n'a pas besoin du trône, n'a pas besoin du ciel ni de la terre. Il existe avant les créatures, sans les créatures, et après leur existence, il ne change pas, et il existe sans endroit et sans comment, et il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc attribuer à Dieu l'établissement, ou le changement, ou la localisation, ou le besoin aux créatures, ceci est de la mécréance. Et on a montré que Istawa, les savants ont dit, celui de Dieu, c'est dominer. Ar-Rahman ala l'arash Istawa, c'est-à-dire Dieu domine le trône, car parmi l'essence de Istawa, dominer, Qahara, et ceci est digne de Dieu. Ou on peut dire aussi Istawa, selon ce qui est digne de Dieu, sans préciser de sens, mais en gardant bien sûr le mot en arabe, car c'est bien le mot en arabe qui admet plusieurs sens. Et donc, en disant selon ce qui est digne de Dieu, on renie par cela tout ce qui n'est pas digne de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est des attributs des créatures, que ce soit la localisation, la quantité, le contact, la séparation, l'établissement et autres parmi les attributs des créatures. L'imam Ali a dit: Inna Allah khalaqa al-arsh izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Rapporté par l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, donc il signifie: certes, Allah a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance, et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Donc on a vu que le trône, en fait, pour les anges, c'est comme la Kaaba, c'est une qibla pour les anges, comme la Kaaba sur terre pour les humains. Et bien sûr, les anges sont tous musulmans, et ils adorent Dieu, ils font tout ce que Dieu ordonne, et ils ne désobéissent pas à Dieu. Donc ensuite, nous allons parler du qalam al-a'la, le calame élevé, et al-lawh al-mahfouz, la table préservée. Donc al-qalam al-a'la, Allah l'a créé après l'eau et le trône. خلق الله تعالى القلم الأعلى بعد خلق الماء والعرش وهو ثالث المخلوقات وهو جرم عظيم جدا على شكل نور. Donc après l'eau et le trône, Dieu a créé donc la troisième des créatures qui est al-qalam Al-Qalam al-A'la. Et qui est un corps très grand qui ressemble à la lumière. Ce n'est pas une lumière, mais il ressemble car la lumière n'a pas été créée à ce moment-là encore. ثم خلق الله تعالى بعد القلم الأعلى اللوح المحفوظ وهو رابع المخلوقات. Après donc القلم الأعلى, Allah a créé اللوح المحفوظ, la table préservée, qui est la quatrième des créatures. قال بعض العلماء إنه فوق العرش وقال بعضهم إنه تحت العرش. Certains savants ont dit qu'il est au-dessus du trône et d'autres ont dit qu'il est en dessous du trône, c'est-à-dire la table préservée. وجرمه عظيم جدا مقداره ومساحته مسيرة 500 عام. Donc son volume est immense aussi, sa superficie de la distance de 500 ans. طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. Donc sa longueur c'est une longueur, donc une distance équivalente à ce qu'il y a ce qui sépare le ciel de la terre, et sa largeur équivaut à ce qui sépare le couchant du levant. وقد أمر الله القلم أن يجري على اللوح المحفوظ فجرى بقدرة الله من غير أن يمسه أحد من الخلق وسطر في اللوح المحفوظ كل ما سيكون في العالم حتى نهاية الدنيا. Et Allah a ordonné au qalam d'écrire sur la table préservée. Donc il a écrit par la puissance de Allah sans qu'aucune créature ne le tienne. Et il a écrit tout ce qu'il y a, ce qui va avoir lieu dans cette vie-là, dans ce bas monde, jusqu'à la fin du monde. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. Donc c'est cela la signification du hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmed et Tirmidhi, d'après Ubada ibn Samit. Donc que le prophète a dit ce qui signifie. Donc la signification du hadith, donc on l'a vu que la première de ce que des créatures que Dieu a créées en fait après l'eau et le trône, c'est Al-Qalam. Ensuite, lui a ordonné d'écrire et il a écrit tout ce qui va avoir lieu jusqu'à la fin du monde. والدليل من القرآن الكريم على أن كل شيء كائن في هذا العالم حتى يوم القيامة مسجل في اللوح المحفوظ هو قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Donc la preuve du Coran honorait que toute chose est, qui est dans cette vie-là jusqu'à le jour dernier est écrite dans la table préservée. Sa parole Ta'ala dans Sourate Yassine, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est-à-dire que Dieu a fait écrire toutes choses dans la table préservée. Et wa min al-hadith qawluhu sallallahu alayhi wa sallam katab Allah maqadir al-khala'iq qabl an yakhluq as-samawati wal-ardh bi 50 alf sana. Et le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui signifie Dieu a fait écrire donc, ce qui est prédestiné aux créatures avant qu'il crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Et son trône était sur l'eau. Donc ceci est rapporté par Muslim. Donc ceci donc, montre que le hadith qu'on a cité sur le qalam, qui n'est pas la première des créatures dans l'absolu, mais qu'il est après l'eau et le trône. Parce qu'à la fin du hadith, il dit ce qui signifie son trône est sur l'eau. Donc son trône, ici, ça veut dire le trône qui appartient à Dieu, créé par Dieu et honoré par Dieu. Car Dieu, comme on l'a dit, n'a pas besoin du trône, il n'a besoin de rien. Donc ce hadith nous fait comprendre que Dieu a ordonné donc au Qalam d'écrire et que toute chose donc qui va avoir lieu dans cette vie-là est inscrite sur la table préservée et que aussi donc l'eau et le trône existent bien avant Al-Qalam et que les cieux et la terre ont été créés après tout cela de 50 000 ans. Donc les cieux et la terre ont été créés après tout cela, après ces quatre créatures de 50 000 ans. Donc, la création des cieux et de la terre, comme on l'a dit, a eu lieu après 50 000 ans. خلق الله تعالى بقدرته سبع سماوات وسبع أراضين. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق. فيجب الإيمان بذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé par sa puissance sept cieux et sept terres. Allah ta'ala dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. C'est-à-dire Allah qui a créé sept cieux et sept terres. Surat At-Talaq. Donc il est un devoir de croire en cela. فأرضنا هذه واحدة من الأراضي السبع التي خلقها الله تبارك وتعالى وأبدعها. Ainsi, notre terre, celle-là, est une des terres, des sept terres que Dieu a créées, subhanahu wa ta'ala, que Dieu a fait entrer en existence. والسماوات التي خلقها الله عظيمة الخلقة تدل على عظمة قدرة الباري عز وجل. Donc les cieux que Dieu a créés, elles sont immenses, indiquent la puissance, donc la parfaite puissance du Créateur Azza wa Jal. فَسُمْكُ السَّمَاءِ الْوَاحِدَةِ مَسَافَةُ 500 عَامٍ. Donc l'épaisseur d'un seul ciel, c'est la distance de 500 ans. Donc l'épaisseur, donc on rappelle que les cieux sont des corps solides, palpables, ce n'est pas juste donc de l'air. Donc l'épaisseur d'un ciel est la distance de 500 ans. وكلها مشحونة بالملائكة الذين يعبدون الله ويقدسونه ولا يفترون عن ذكره. Et tout, donc, les cieux sont remplis d'anges qui adorent Dieu, ils le glorifient et ils ne se lassent pas de ils ne se fatiguent pas de l'évocation de Dieu. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد يذكر الله. Ainsi dans le hadith, le messager عليه السلام a dit ce qui signifie « Il n'y a pas dans les cieux l'emplacement de quatre doigts sans qu'il ait un ange debout ou incliné ou prosterné évoquant Allah. » Donc les cieux sont remplis d'anges. وقد ورد أن المسافة التي ما بين سماء وسماء مسافة 500 عام وكذلك المسافة ما بين أرض وأرض. Donc on a vu l'épaisseur d'un ciel c'est 500 ans et aussi il a été rapporté que la distance entre chaque ciel, un ciel et un autre, donc est la distance de 500 ans aussi. De même la distance séparant une terre et une autre est de 500 ans. فالسماوات السبع متراكبة بعضها فوق بعض وكل واحدة منفصلة عن الأخرى وكذلك الأراضي السبع. Donc les sept cieux sont superposés les unes sur les autres, donc et séparés les unes des autres, et de même les sept terres. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, donc Dieu nous informe dans cette ayah dans Surat Nuh que Dieu a créé sept cieux, donc tibaqa, c'est-à-dire superposés les unes sur les autres, en étant bien sûr séparés. Et qu'il a fait que la lune, Al-Qamar, éclaire et le soleil aussi qui éclaire. وقال سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي أن السماوات السبعة شديدة عظيمة الخلقة في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها. Donc, et dans Sourate An-Naba, sa parole ta'ala, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Donc, cela montre que Dieu a créé les sept cieux qui sont des corps solides, immenses, dans leur superficie et dans leur élévation et dans leur perfection. وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّبْعِ كَانَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وكل يوم من هذه الأيام الست كألف سنة مما نعد أي بتقدير أيامنا هذه لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Donc il a été rapporté dans le Coran que la création des sept cieux et des sept terres donc a eu lieu dans six jours. Et chacun de ces six jours-là vaut 1000 ans de ce que l'on compte. C'est-à-dire 1000 ans de la valeur de nos jours à nous. Et ceci, la preuve est dans la ayah, Sourate Al-Hajj, « وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. » Donc Allah dit dans le Coran, « وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ أَيْ تَعَبٍ وَأَعْيَاءٍ. » Donc Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, certes, nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux. Dans six jours, nous n'avons pas été atteints de fatigue. Ici, nous, c'est le nous de glorification. Parce que Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé. Ce n'est pas le pluriel ici, donc ce n'est pas pour indiquer la pluralité, mais c'est pour indiquer la glorification. Donc, Dieu l'unique a créé donc, les sept cieux, et les sept terres, ce qu'il y a entre eux, dont six jours. Donc cela concerne les sept cieux et sept terres, car on a vu 50 000 ans avant cela, il y a eu les quatre créatures qu'on a citées, à savoir l'eau, le trône, le qalam al-a'la, le qalam élevé, et la table préservée. Donc Dieu nous apprend qu'il n'a pas été atteint de fatigue. Et ceci, c'est pour répliquer aux mécréants qui ont attribué à Dieu la fatigue et l'établissement sur le trône. Donc Dieu a répliqué dans cette ayah à ces mécréants-là qui ont attribué à Dieu la fatigue, car celui qui se fatigue, il est impuissant, faible, donc c'est une créature. Et celui qui s'établit aussi a une forme, une quantité, une localisation, donc a besoin des créatures, donc forcément, celui qui a besoin ne peut pas être créateur. Donc Dieu est exempt de cela. Dieu, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui, et il n'a besoin de rien. Il a pour attribut le non-besoin absolu. Donc Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَمَعْنَى ثُمَّ اسْتَوَى أَيْ وَقَدْ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ أَيْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ مُسْتَوِيًا عَلَى الْعَرْشِ أَيْ قَاهِرًا لَهُ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وليس معنى ثم في هذه الآية أن استواء الله على العرش أي قهره للعرش حصل بعدما خلق السماوات والأرض. Donc la آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. C'est-à-dire certes votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre dans six jours. ثم استوى ici il domine. ثم ici dans la langue arabe est dans le sens de et. Ouais. Dans la langue arabe bien sûr ça existe. Thumma est employé dans le sens de et, comme cela est connu chez les Arabes. C'est-à-dire, il domine le trône par sa puissance. Donc, cela, la signification de la ayah. إذن ومن المقرر عند علماء اللغة أن ثم تأتي بمعنى الواو وهذا معناها في هذه الآية كما قال الإمام أبو منصور الماتوريدي. Donc, c'est connu chez les savants de la langue que thumma advient dans le sens de الواو de et. Et c'est la signification ici dans cette ayah, comme l'a dit l'imam Abu Mansour al-Maturidi. أما الذي ينسب إلى الله تعالى التغير والانتقال والحركة هذا لا يكون مسلما. هذا تشبيه لله بخلقه كما وكما قال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Donc quant à celui qui attribue à Dieu le changement, l'établissement, la localisation, le déplacement, ceci revient à attribuer à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, ceci est de la mécréance. Donc il fait sortir de l'islam. Comme l'a dit Abu Ja'far al-Tahawi, « وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرْ » C'est-à-dire, celui qui a attribué à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant. Donc ainsi, tout ce qui change est créé. « كُلْ مَا يَتَغَيَّرْ يَكُونُ مَخْلُوقًا » لِهَذَا اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ عَنْ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ أنه استدل على أن الكوكب والشمس والقمر لا يصلحون للألوهية لكونهم ينتقلون لهذا قال كما أخبر الله عنه لا أحب الآفلين أي أن الذي ينتقل من حال إلى حال لا يصلح أن يكون ربا خالقا. Ainsi, Allah Ta'ala mentionne dans le Coran au sujet de notre maître Ibrahim qui il a pris comme preuve que le soleil, la lune et les astres, il ne leur est pas valable la divinité parce que chacun il se déplace. Et c'est pour cela qu'il a dit « la uhibbu al-afilin », c'est-à-dire celui qui se déplace, celui qui change d'un état à un autre, ce n'est pas valable selon la raison qu'il soit créateur. Car celui qui change a besoin de qui le fait changer. « Wa kana khalqu al-ardi fil yawmayni al-awwalayni wa huma yawmu al-ahadi wal-ithnayni » ثم خلق الله السماوات السبع في اليومين التاليين وهما الثلاثاء والأربعاء. Donc la création de la terre a eu lieu dans les deux premiers jours, à savoir le dimanche et le lundi. Ensuite Allah a créé les sept cieux dans les deux jours suivants, à savoir le mardi et le mercredi. وأما في اليومين الآخرين وهما الخميس والجمعة فقد خلق الله تبارك وتعالى مرافق الأرض التي يعيش فيها الإنسان من جبال وأنهار ووديان وأشجار وما أشبه ذلك. Donc, quant aux deux derniers jours, à savoir le jeudi et le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les commodités de la terre sur laquelle vit l'être humain, c'est-à-dire la première terre, donc les commodités, à savoir les montagnes, les rivières, les vallées, les arbres et ce qui est semblable à cela. وَلَقَدْ كَانَ بَدْءُ خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ السِّتِّ وَكَذَلِكَ خَلْقُ إِبْلِيسَ اللَّعِينَ الَّذِي هُوَ أَبُو الْجِنِّ. Et le début de la création des anges a eu lieu donc dans les six jours. De même, la création de Iblis, le maudit, qui est l'ancêtre des djinns. وأما سيدنا آدم الذي هو أبو البشر وأول الأنبياء فقد خلقه الله تبارك وتعالى في آخر اليوم السادس وهو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع. Quant à notre maître Adam عليه السلام, qui est le père des humains et le premier des prophètes, Allah Ta'ala l'a créé le dernier des jours des six, qui est le vendredi, qui est le meilleur des jours de la semaine. فكان آدم آخر أنواع العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى. Donc ainsi Adam est la dernière des créatures du point de vue du genre. Donc la première des créatures du point de vue du genre c'est Adam عليه السلام. والدليل ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. Donc ainsi dans ce qu'a rapporté Muslim et autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. C'est-à-dire la meilleure des jours sur lequel le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi. En ce jour a été créé Adam et en ce jour il a été entré au paradis et en ce jour il en fut sorti. ويعني ذلك أن تمام خلق آدم كان في الجنة لأن بدأه التربة التي نقلت من الأرض إلى الجنة فعجنت هذه التربة بماء الجنة ثم مكث طينا 40 يوما ثم جعله صلصالا كالفخار ثم حوله عظما ولحما وَدَمًا ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ الطَّيِّبَ الْكَرِيمَةِ عِنْدَ اللَّهِ. Donc cela signifie que la création de Adam a été finie donc le jour du vendredi au paradis. Parce qu'en fait, son origine a été créée à partir de la terre qui était déplacée de cette terre-là jusqu'au paradis et elle a été mélangée avec l'eau du paradis. Ensuite, elle est restée ainsi argile pendant 40 jours. Ensuite, Allah a fait que ce soit comme de la poterie en fait. Ensuite, Allah l'a transformée donc en chair et os et sang et il a fait insuffler l'âme à Adam, cette âme honorée, cette bonne âme, cette âme honorée selon le jugement de Allah. وهذا معنى قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي الروح التي هي ملك لي ومشرفة عندي. Donc c'est cela la signification de sa parole ta'ala فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. C'est-à-dire ici Allah s'attribue l'âme dans le sens que c'est une âme qui appartient à Dieu et qui est honorée selon la loi de selon le jugement de Dieu, qui est honorée selon le jugement de Dieu. Et donc ne veut pas dire que serait une partie de Dieu, car attribuer à Dieu la partie est de la mécréance. C'est associé à Dieu, car Dieu n'est pas un tout ni une partie. Dieu, rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc ici c'est pour honorer l'âme quand Allah s'attribue l'âme de donc de Adam ou l'âme de Isa, c'est pour l'honorification. Donc il y a des ayats qui indiquent ce qu'on a cité en fait que des détails sur donc Dieu a créé donc les sept cieux les deux premiers jours, ensuite les deux autres donc la terre, donc que Dieu a créé donc les deux premiers jours la terre, ensuite les deux autres les sept cieux, ensuite les deux autres les commodités de la terre. Donc Allah Ta'ala a dit dans le Coran honoré: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Donc on répète, Dieu donc a créé la terre. Donc la création de la terre, c'est les deux premiers jours, à savoir le dimanche et le lundi. Ensuite, la création des sept cieux, les deux jours suivants, mardi et mercredi, et les deux derniers jours, le jeudi et le vendredi, la création des commodités de la terre. Et Adam a été créé donc la fin du jour du vendredi, le Asr en fait, du jour du vendredi. Donc, comme on a dit, il a vécu 130 ans au paradis, ensuite 870 ans sur terre. Et nous rappelons que Adam donc, a vécu en tout 1000 ans. À son époque, il n'y avait que des musulmans. Et en tout, pendant 2000 ans, il n'y avait que des musulmans au début. L'époque de Adam, ensuite Sheath, ensuite Idris. Et bien sûr, donc Adam, comme tous les prophètes, il a enseigné l'islam. Allah dit dans le Coran, Inna dina inda Allah l'islam, qui signifie certes la religion que Dieu agrée et l'islam. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآيات أنه خلق الأرض أولا في يومين لأن الأرض كالأسس ثم خلق بعد ذلك السماوات في يومين وهي كالسقف بالنسبة للأرض. قال الله تعالى وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc en premier donc la terre, car la terre c'est comme donc comme des fondements. Ensuite il a créé les sept cieux et elle est comme un toit par rapport donc par rapport à la terre, comme un toit par rapport à la terre. Et ceci y compris de sa parole Ta'ala, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَخَلَقَ اللَّهُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَائِرَ النُّجُومِ. Et Allah a créé le soleil, la lune et les autres astres. Allah dit dans le Coran, ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سورة نوح. Donc, c'est-à-dire que Dieu, donc on comprend cette ayah que Allah a créé, donc sept cieux superposés, tibaqa, wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Donc, il a fait que la lune éclaire, donc la lune elle éclaire, et le soleil aussi éclaire. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, wa ja'ala al-shamsa siraja. Ayah 16 de Sourate Nuh. Wa qala ta'ala, إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. Donc, c'est-à-dire qu'Allah a embelli le ciel du bas monde, c'est-à-dire avant le premier ciel, ça s'appelle donc cette partie-là, c'est le ciel du bas monde. Dieu l'a embelli par les astres. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Donc c'est-à-dire que certes votre Seigneur Allah qui a créé les cieux et la terre dans six jours. Donc Dieu a embelli le ciel du bas monde, le premier ciel en fait, c'est le premier ciel, par les astres et il y a aussi la lune et le soleil qui éclairent. أما دحو الأرض فكان بعد خلق السماوات وكان ذلك في اليومين الآخرين من تلك الأيام الست. قال الله جلت قدرته أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ومعنى دحاها أي وسعها وجعلها صالحة للسكن بأن أجرى فيها الأنهار والوديان والينابيع. Donc quant aux commodités de la terre, donc cela a eu lieu après la création des commodités de la terre, après la création des cieux. Donc les six jours, les derniers six jours qui sont le jeudi et le vendredi. Donc Allah a fait que la terre soit valable pour qu'on y habite. Il a fait couler les sources et les rivières. Donc, il a fait qu'il y ait des chemins, etc. Et il a fait donc des montagnes aussi. Donc, Allah dit dans le Coran, « وَقَالَ تَعَالَى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. » Donc, Dieu a créé les montagnes, il a créé les mers. قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. C'est-à-dire que Allah vous a créé la mer. De cette mer vous pêchez donc ce que vous mangez, donc les poissons, et vous en sortez des perles aussi. Donc ceci, donc louange à Allah, le bienfaiteur qui accorde les bienfaits. فائدة الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع أن الله جلت قدرته قادر على خلقها في أقل من ذلك. تعليم الناس التأني في الأمور والتروي وعدم الاستعجال. Donc la sagesse en fait que de la création des cieux et de la terre dans six jours, bien que Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant est capable de créer tout cela en moins que cela, de créer en fait tout ce monde en un instant, mais la sagesse que Dieu a créée les cieux et la terre dans six jours, que la création des cieux et de la terre donc a été dans six jours, c'est donc c'est l'enseignement aux humains de faire les choses par étapes et de ne pas se hâter tant que cela n'est pas nécessaire. Donc pour nous enseigner de faire les choses par étapes, c'est cela la sagesse donc en cela. وأما قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس معناه أن الله خلق الخلق في لحظة، إنما معناه يخلق العالم بدون تعب ومشقة وبدون ممانع يمانعه وبدون ممانع يمانعه وبدون تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه. وليس معنى أن يقول له كن فيكون أن وليس معنى أن يقول له كن فيكون أنه كلما أراد أن يوجد شيئا من مخلوقاته يقول له كن، أي بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون، وهذا غير معقول. Donc maintenant, interprétation d'une aya. Sa parole ta'ala, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ici déjà, cette ayah ne veut pas dire que Allah a créé le monde en un instant, et aussi ne veut pas dire qu'à chaque fois que Dieu, pour créer une créature, il dit kun, kun, soit, parce que Dieu crée donc en un instant ce que nous ne pouvons dénombrer, car tout est créé par Dieu. Notre pensée, nos idées, les mouvements, les immobilités, le penchement, les actes, tout est créé par Dieu. Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun, Allah vous a créé ce que vous faites. Mais cette ayah, elle a une signification, un sens, donc figuré, qui veut dire que Allah fait exister les choses sans difficulté, sans fatigue, sans qu'il y ait de retard par rapport à ce qu'il a voulu. C'est ça la signification de cette ayah. إذن الله تعالى يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت حصرنا فكيف يعقل أن ينطق بعدد كل ما خلق كل بعدد كل ما يخلق بهذه الكلمة كن باللغة العربية والله تعالى كان قبل اللغات وإنما هذا عبارة عن إيجاده تعالى الأشياء بدون تعب كما أن الإنسان يكون أسهل شيء عليه التلفظ بكن لا يعاني منه مشقة فالله تعالى ذكر هذا تفهيما للمعنى لأفهام الخلق. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه القرآن أمثال ومواعظ أي ليس كل القرآن على ظواهره. Donc en fait Allah a cité cela pour nous faire comprendre, donc c'est un sens donc figuré qui nous fait comprendre que Dieu crée facilement, tout comme c'est facile pour quelqu'un de dire kun. Donc ça ne veut pas dire que Dieu, à chaque fois qu'il crée une créature, dit « kun », puis Dieu est exempt des langues. Dieu existait avant les langues. Donc, mais cela pour nous faire comprendre que Dieu crée les choses facilement. Donc ainsi, l'imam Ahmed ibn Hanbal, un grand savant de l'islam, que Allah l'agrée, il a dit « Al-Qur'an ou amthalun wa mawa'idh ». C'est-à-dire, le Qur'an, il y a des exhortations et des métaphores, des sens figurés, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le Coran qu'on prend au sens apparent. Donc c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi, on insiste bien ici, concernant la langue française, en français ou autre langue que l'arabe, que nécessairement, si on traduit, on doit traduire le sens, l'interprétation. Et ne pas donner... une phrase traduite mot à mot. Donc cela n'est pas permis de traduire mot à mot, car le Coran est catégoriquement en langue arabe. Il n'est pas permis de traduire mot à mot, mais on traduit le sens, l'interprétation des ayats. Et on rappelle que interpréter le Coran est un haut niveau de science, c'est pour les savants de l'islam, et la personne doit avoir reçu par transmission des savants ou des gens dignes de confiance qui ont pris des savants le sens des ayats du Coran et ne pas interpréter de son propre avis ou juste en se basant des écrits écrits par des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Mais il faut absolument la transmission orale. Et puis réciter est une autre science. C'est-à-dire si quelqu'un sait très bien réciter le Coran ou il connaît tout le Coran par cœur, ne veut pas dire qu'il est devenu un interprète du Coran. Ne veut pas dire qu'il a le droit d'interpréter le Coran. Réciter, c'est une science. La manière de réciter, sortir les points de prononciation, les règles de tajwid, comme ghunna, iqlab, idgham, etc. Donc ça s'apprend par transmission orale. Donc, donc la personne peut savoir très bien réciter, connaître par cœur, réciter avec une belle voix, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a le droit d'interpréter. Interpréter, c'est une autre science. Et les savants qui interprètent, eux, ils ont reçu par transmission orale les ayats du Coran. Ils savent beaucoup de détails tels que quand est-ce qu'elle a été, dans quelle situation, dans quel contexte a été révélée cette ayat du Coran, etc. Et les autres ayats qui ont des sens généraux, des sens restreints. Parce que, bien sûr, le Coran ne se contredit pas. Donc, on ne peut pas donner un sens à une ayat qui va contredire une autre ayat, non. Donc, c'est une grande science. Et la règle, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, innama al-ilmu bit-ta'allum. Il a dit, ya ayyuhan nas ta'allamu, fa innama al-ilmu bit-ta'allum, wal fiqhu bit-tafaqquh, fa man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fid-din. Donc, il signifie, ô vous, les gens, apprenez la science de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale, et celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc c'est un bon signe pour la personne que Dieu lui facilite l'apprentissage de la religion, car c'est Dieu qui crée toutes choses et qui guide qui veut et égare qui veut. Donc voilà, nous avions vu sur les débuts des créatures. Donc on rappelle l'eau, la première des créatures. Deuxième, le trône, qui est le plus grand corps que Dieu a créé. Troisième, al-qalam al-a'la, donc le calame élevé. Quatrième, la table préservée. 50 000 ans après cela, Dieu a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux dans 6 jours. Donc Dieu a créé toute chose, subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé. Allah dit dans le Coran, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Qui signifie, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Donc ce monde-là est une preuve de l'existence de Dieu. Ainsi, les créatures, y compris nous, donc, auraient pu ne pas exister, ou exister à une autre époque, avec une autre forme, une autre couleur. Donc forcément, obligatoirement, cela indique qu'il y a un créateur qui les a spécifiés par le fait d'exister au lieu de ne pas exister, par le fait d'exister à cette époque au lieu d'une autre, par le fait d'avoir telle caractéristique au lieu d'autre. Et c'est Dieu qui a créé toute chose, qui n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé. Donc Dieu a créé le monde en deux sortes en fait. Donc nous on a vu les détails. En général, donc Dieu a créé le monde en deux sortes, les corps et les caractéristiques. Les caractéristiques telles que le mouvement, les mobilités, le goût, l'odeur, la couleur, le sentiment, etc. Tout est créé par Dieu. Et les corps palpables, comme les cieux, la terre, les plantes, les humains, et les corps impalpables, tels que la lumière, l'obscurité, les anges, les djinns, la lumière. Voilà, tout est créé par Dieu. Et Dieu n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé. Dieu, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc, Abu Ja'far al-Tahawi, un grand savant de l'islam, qui est né en 227 de l'Hégire, a dit Ta'ala aïllah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwi il jihatu sittu kasa'il il mubtada'at. Donc, ce grand savant qui est né en 227 de l'Hégire a dit Dieu est exempt des limites, des fins, des membres, des organes, des côtés, et n'est pas contenu par les 6 directions comme le sont l'ensemble des créatures. Donc Dieu est exempt des 6 directions, à savoir le haut, le bas, la droite, la gauche. Dieu est exempt de cela. Donc attribuer cela à Dieu est de la mécréance. Quoique la personne fût ignorante, elle n'a pas d'excuse parce que la raison saine confirme catégoriquement que ce monde a un créateur qui n'a aucune ressemblance avec les créatures. Ainsi, s'il ressemblait aux créatures, il aurait été une créature, ce qui est impossible selon la raison. Donc, obligatoirement, il n'est pas attribué de forme, de couleur, de quantité, de tout ce qui est attribué des créatures, Dieu est exempt de cela. Donc, Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui, et rien n'est de ressemblance avec lui, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Comme a dit l'imam Ahmad, Mahmad as-sawwarta bi balik, فالله بخلاف ذلك, qui signifie quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc on ne va pas imaginer le Créateur subhanahu wa ta'ala. Dieu existe avant toutes ses créatures, seul Dieu n'a pas de début à son existence et toutes les créatures ont un début. Donc nous avions vu le hadith, la fois précédente, rapporté par le Bukhari, كان الله ولم يكن شيء غيره. Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Seul Dieu est exempt de début, n'a pas de début à son existence. Et toutes les créatures ont un début. Donc Dieu, lui, n'a pas de début à son existence. Dieu existe de toute éternité. Il existe avant les créatures, sans les créatures, et après qu'il les a créées, Dieu ne change pas. C'est ce qu'ont enseigné tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad, tous ils ont enseigné l'islam, qui est la seule vraie religion, l'unique religion céleste. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, et celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc l'islam est l'unique religion valable, et l'unique religion céleste, c'est la religion de tous les prophètes. Tous ils ont enseigné l'islam. Tous ne sont pas arabes, 4 seulement sont arabes, mais sont tous musulmans. Tous les prophètes sont musulmans, du premier Adam au dernier Muhammad. Ce qui change aussi, leur loi diffère, telle que le nombre de prières, la zakat. Donc c'est ça qui change, mais pas la foi, tous ils ont enseigné l'islam. Donc l'avant-dernier c'est Isa, Jésus, qui a été élevé au ciel. Allah dit dans le Coran, « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » C'est-à-dire, il n'a pas été tué ni crucifié, mais ils furent dupés par la ressemblance. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a tué à sa place. Il va redescendre, ça sera parmi les grands signes de la fin du monde. Et il appelait à l'islam, et les gens qui l'ont suivi, ce sont des musulmans, et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. De même, Moussa, alayhi salam, il appelait à l'islam, et les gens qui l'ont suivi sont des musulmans. Donc ainsi, dans la Torah, l'évangile, les psaumes, le Coran, tous ces livres contiennent la religion d'islam. Sauf que les mécréants ont falsifié à Taurat et à l'Injil, la Torah et l'Évangile, comme Allah dit dans le Coran, يحرفون الكلمة عن مواضعه. C'est-à-dire, donc, ils ont falsifié ces livres-là. Mais tous ces livres-là, il est un devoir d'y croire, ils contiennent tous l'islam. Donc, l'islam, c'est la religion des anges aussi, tous les anges sont musulmans. Mais il faut savoir que les prophètes sont meilleurs que les anges. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Les prophètes, ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas. Ils n'ont jamais menti de leur vie, ils ne commettent pas les grands péchés, donc, comme la fornication ou le suicide. Donc Adam, il n'a pas commis de grands péchés, il a commis, en fait, quand il était au paradis, il a commis un petit péché, à savoir qu'il a mangé du fruit de l'arbre duquel Dieu lui a interdit. Il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Les prophètes, ils ont tous une belle apparence, donc Adam ne ressemblait pas au singe, il avait une belle apparence. Attribuer à Adam la mauvaise apparence ou... rabaisser Adam ou n'importe quel prophète, ceci est de la mécréance. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, c'est-à-dire, Dieu a créé l'être humain avec une belle apparence. Donc Dieu a créé l'être humain avec une belle apparence. Donc Adam, il a enseigné l'islam, il a enseigné les choses de base, telles que la forge, le tissage, la langue, les langues il a enseignées, telles que l'arabe, le syriaque, l'hébreu, etc. Donc les prophètes sont les meilleurs des créatures, ils ont la bonne croyance au sujet de Dieu avant de recevoir la révélation, tout comme après. Donc se moquer des prophètes, ceci est de la mécréance. Donc il est important de savoir qu'il y a des choses qui font sortir de l'islam, même si la personne elle était en colère, même si elle plaisantait. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, c'est-à-dire, ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Tels que insulter Dieu, les prophètes, les anges, ou se dire non-musulman, même en plaisantant, ou jeter le nom de Dieu aussi dans les ordures. Donc il n'est pas permis dans n'importe quelle langue qui soit écrit de jeter le nom de Dieu, mais ce qui est connu, donc, c'est quand on brûle, on coupe ou on brûle pour que la créature disparaisse. De même, donc, aider à la mécréance, c'est de la mécréance, aider à quelqu'un à commettre la mécréance, c'est de la mécréance, car aider au péché est un péché. Et approuver la mécréance d'autrui, se satisfaire de la mécréance et de la mécréance. Donc ainsi, la personne revient à l'islam, si elle est tombée dans la mécréance, en prononçant les deux témoignages. Tout comme la personne rentre en islam par les deux témoignages. Mais ce n'est pas une condition qu'il y ait des témoins, ni qu'il y ait ni qu'il y ait un imam, ni de se circoncire, ni de se doucher. Que ce soit pour devenir musulman ou pour revenir à l'islam, il faut prononcer les deux témoignages, c'est-à-dire témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, ce n'est pas une condition en arabe, c'est valable dans n'importe quelle langue. Donc, en disant, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc, si la personne ne sait pas dire Muhammad, elle dit Aboul-Ghassim. Aboul-Ghassim, qui est un surnom du prophète, c'est-à-dire père de Ghassim, est le messager de Dieu. C'est comme ça que la personne donc, revient à l'islam si elle a commis une mécréance ou rentre en islam. Donc, faire attention surtout aux paroles. Le prophète, a.s.w., a dit Aktharu khata ibn Adam min lisanih, qui signifie la plupart des péchés de fils de Adam proviennent de sa langue. Donc faire attention, si on veut rapporter des paroles contraires à la religion, on doit nécessairement employer un discours rapporté. Que ce soit écrit ou par oralement, en disant il a dit ou l'auteur a dit, pour se décharger de cette parole. Car parmi la fonction des anges, il y a deux anges qui notent ce qu'on dit, Raqib et Atid. Et la personne dont l'au-delà reçoit son livre de la main droite, le croyant, et le mécréant, c'est-à-dire le non-musulman, de la main gauche derrière le dos. Bien sûr, le croyant, c'est pour le musulman. Croyant, c'est nécessairement qu'il y a les six piliers de la foi, à savoir croire en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, croire en le jour dernier et croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal. La personne n'est pas croyante seulement en reconnaissant l'existence de Dieu. Car beaucoup de mécréants reconnaissent l'existence de Dieu, mais ils attribuent à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, ou ils rabaissent les prophètes, ou ils renient des prophètes. Ceux-là sont des mécréants. Comme a dit l'imam Abu Hanifa, un grand savant de l'islam, qui est né en 80 de l'Hégire, il a dit La yakunu imanun bila islam, wa la islamun bila iman, fahuma kadh-dhahri ma'al batn. C'est-à-dire, il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme le plat et le revers. C'est-à-dire le musulman et le croyant, et le croyant et le musulman. Donc, d'appeler autre que le musulman croyant, ça revient à démentir la religion, et démentir la religion est de la mécréance. Fait partie du fait de démentir la religion aussi, de renier par exemple l'obligation de la prière, ou de renier le caractère interdit de la consommation du porc, ou de la viande de ce qui n'est pas égorgé, ou de l'alcool. Démentir la religion, même par plaisanterie, c'est de la mécréance. Par contre, si quelqu'un ne pratique pas, il mange le porc, il boit de l'alcool, c'est toujours un musulman, mais un musulman désobéissant. Mais s'il renie la loi de Dieu, il devient mécréant et il ne revient à l'islam qu'en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc il le prononce pour délaisser la mécréance, bien évidemment. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ala Muhammad. على محمد الطاهر الأمين اللهم يسر أمورنا وفرج كرباتنا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين